si on mesure à la paire de couilles, c'est sûr qu'au final je te douille. Alors brouille, bouge ta bouille avant que je la bouillave. J'ai le sang qui boue grave, un mélange entre fou et sage, entre doux et rage, loup et barge. Écoute, prends large, après je vous fondra que ton dentiste bridge. Ici il neige dans les pifs et les esprits s'échauffent plus qu'avec les spliffs, les halls kiffent la violence gratuite et tu fous de l'huile sur la frite et sur le feu. Trop de politiciens mafieux manipulent tes yeux avec les médias vicieux, complices d'une imagerie lisse qui fausse la vérité, crée le fossé entre les jeunes et la police. Les jeunes et les gens clean, sans argent dans le jean, c'est l'origine des gènes. Les gens de l'ombre ne se mélangent plus au reste du monde. C'est la merde, mal, la société se plombe. Sans lien, on s'allie avec ce qui nous salit. C'est certain que le mal envahit plus que le bien. Sans lien, on s'allie avec ce qui nous salit. C'est certain que le mal envahit plus que le bien. Yo, Don Vincenzo, c'est certain. C'est certain qu'on vince à l'époque où y'a plus d'éthique. C'est glauque, c'est tas de crétins qui contrôlent tout. Les jeunes sont fous car on vit dans des blocs de béton. On pète les plombs, le macadam notre plage. Pendant que certains voient la mer, d'autres n'ont même plus de mer. On évolue sans repère, les médias qui manipulent notre image pour nous faire passer pour des sauvages. Un mirage, mais pas de miracle. L'avenir ruiné, brisé par les pactes des puissants. Guerre et argent font bon ménage. À mon âge, je touche déjà le fond, ma pression vocale pour éclater votre sale gestion du monde. La violence inonde la rue et c'est pas choquant vu que c'est la récolte de vos semences. Mon texte, un coup de semonce, mon impact immense te fait perdre tout sens. Vous êtes prévenus que j'incite mon auditoire à l'incivilité. Invincible, je resterai car c'est ma raison d'être de pousser à la révolution. Le sang coule à flot, maintenant la tension monte avec la répression. Ce son qui turine dessus, la justice complice des vices, tes lois qui ne servent que les bourgeois. Bourgeonne en moi l'irrésistible désir d'être pire qu'une bombe, ma morale mise à mal, prise à partie par mes conditions de vie. Tant pis. Sans lien, on s'allie avec ce qui nous salit. C'est certain que le mal envahit plus que le bien. On s'allie avec ce qui nous salit. C'est certain que le mal envahit plus que le bien. Plus que le bien, plus que le bien. Sans lien, on s'allie avec ce qui nous salit. C'est certain que le mal envahit plus que le bien. Attention, maintenant ça part en freestyle. Tu voulais savoir qui c'est qui avait le plus de style. Alors vas-y, viens pas jouer les débiles. Puéril trip, que de sortir son ego, que d'essayer de jouer le facho du micro, de prendre tout le monde à partie pour dire vas-y, rentre dans ma partie et je vais te traiter, espèce de sale enculé. Ici bas, j'en ai plus rien à foutre, je ne suis pas patriotique, mais je crois que mes lyriques deviennent un peu hypnotiques. Quand t'entends cette voix, tu te dis que ce mec là, il est en plein trip. Et ben peut-être que c'est le cas, qu'est-ce que t'en as à foutre? J'en ai plus rien à foutre, mes conditions de vie de plus en plus pires qu'avant. Alors c'est sûr que ça devient de plus en plus stressant pour moi. J'ai plus de motivation quand je vois mes rêves qui ne sont que des hallucinations mentales. J'ai l'impression d'être toujours en train de rêver dès que je rêve d'avenir. Alors pourquoi je me sens comme condamné à perpétuité? Pourquoi ma cage est dorée? Pourquoi? Pourquoi?